Et maintenant, je vous propose de passer à une autre transformation qui va sans doute vous plaire. Les mots français qui finissent en « ist », « i-s-t-e », finissent en « est », « i-s-t » en anglais. Donc sans le « e » final du français. Et bien sûr, avec une prononciation différente. Je vous ai déjà parlé de l'un des objectifs des méthodes ARAPS Michel Thomas, qui consiste à vous donner tous les outils nécessaires pour éviter de commettre les erreurs typiques que font vos compatriotes de façon à faire de vous un touriste, pas comme les autres. Alors, puisque touriste se dit tourist, comment dira-t-on artiste? Artist. Artist. Là encore, sans e à la fin du mot. Et donc, comment direz-vous, c'est un artiste fantastique. Et je vais vous aider un peu. En anglais, on dira il est et non c'est. Un fantastique artiste. He's a fantastic artist. He's a fantastic artist. He's a fabulous artist. Ou encore, pour employer un mot très courant en anglais, he's a great artist. C'est un très grand artiste. Donc là, comme en français, on emploie grand dans le sens de important, considérable, formidable. Donc great, qui s'écrit G-R-E-A-T, great, a un premier sens de grand. Pensez à Great Britain, la Grande-Bretagne. Mais ce mot a aussi un sens figuré, comme dans notre exemple, c'est un grand artiste. Est-ce que vous pouvez me redire cette phrase en anglais? He's a great artist. He's a great artist. Prenons un nouvel exemple. Comment direz-vous dentiste? Dentist. Dentist. Alors, tandis qu'en français, on parle d'aller chez le dentiste, ou chez le garagiste, chez le coiffeur, en anglais, on parle tout simplement d'aller au dentiste, au garagiste, au coiffeur. Donc, après le verbe to go, aller, on va employer to, T-O, pour indiquer notre destination. Alors maintenant que vous avez ces éléments en main et sachant que le verbe devoir se traduit must, M-U-S-T, et sera suivi du verbe nu sans to, comment direz-vous je dois aller chez le dentiste? I must go to the dentist. C'est ça. I must go to the dentist. Aller au dentiste. C'est-à-dire chez le dentiste. Donc, on emploie « to » après un verbe de mouvement comme « go ».